Cool. Bonsoir tout le monde, comment ça va? Vous êtes encore là? Et bien moi aussi, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 485C. C'est le home recording 26, 485C parce que c'est C pour couvre-feu. Et le jour de diffusion de cette saga que j'enregistre à la maison, c'est le 24 février 2021. J'espère que vous êtes bien là. Sinon, à quoi ça sert que je mette des carcasses, hein, entre nous? Bon. Et eh bien, l'album de la semaine, ce sera Imagine, par John Lennon en 1971. On écoutera Imagine, forcément, comment passer à côté. On écoutera Cripple Inside, Jealous Guy, How, Oh Yoko, et oui, je l'ai fait, et Oh My Love, en fin d'émission. Voilà. Pour les McCartney, Harrison Starr et les Beatles, il y aura par exemple Little Woman Love, c'est la phase B de Mary had a Little Lamb sur le single en 1972. C'est également Give Me Love, Give Me Peace on Earth que George Harrison chantera pour Living in a Material World en 1973. Quant à Ringo Starr, il chantera Early 1970s, c'est la phase B du single It Don't Come Easy de 1971. Quant aux Beatles, ce sera George Harrison qui donnera le la de début d'émission avec la chanson Chains, extrait du premier album des Beatles, l'album Please Please Me with Love Me Do and 12 Other Songs. C'est le nom entier. En principe, je réduis ça en disant l'album Please Please Me parce que c'est un peu long quand même. C'est en 1963 que ça se passe. Pour le reste, vous verrez, il y a un chanteur invité qui sera un ami, un chanteur français, qui s'appelle Jérôme Dupuis. Ça sera très très bien de la cover. Et il y aura un invité également pour la chanson Fils de machin truc chouette, comme vous le savez, comme d'habitude. Entre temps, je vous invite à nous retrouver sur le groupe Facebook, mais je suis sûr que vous y êtes, le groupe La Saga des Fab Four, pour commenter dans le topic qui est au-dessus de tous les autres. Je le colle en haut de façon à ce que tout le monde puisse le voir. Voilà, c'est tout, c'est la fin du générique. Donc on va démarrer par Imagine, on en parle juste après. Bonne soirée à vous, on est ensemble de 20h à 22h, j'espère, sur RIG 90.7, qui est la radio des Beatles. Imaginons, imagine John Lennon sur RIG. All the people sharing. and the world will live as one. Le Let It Be de Paul McCartney et le Bridge Over Troubled Water de Paul Simon avaient quasiment simultanément donné une teinte pseudo-religieuse au hit parade de l'année 1970. John méprisait ouvertement Let It Be, et pourtant, le sort voulut qu'il écrivit bientôt la troisième partie de ce triptyque mystique absolu. Imagine est probablement la plus révérée de toutes les chansons de John, y compris ses compositions pour les Beatles. Les premières notes paisibles de Imagine touchent profondément, aujourd'hui encore, des gens de toutes croyances et de tous horizons. Et son message, explicitement laïque, n'a pas empêché cette chanson de devenir une tradition dans nombre d'événements religieux modernes. Les paroles vous invitent à imaginer un univers sans paradis ni enfer, et un monde dans lequel les gens vivent au jour le jour plutôt que en fonction d'une vie après la mort. La religion, comme le nationalisme, y est considérée comme une source de conflit. Pouvons-nous imaginer vivre sans eux ou sans possession matérielle et en harmonie ? Il avait achevé l'album précédent en déclarant « Le rêve est terminé ». Il ouvre celui-ci, l'album Imagine donc, en annonçant un rêve nouveau et en nous invitant à le partager. Imagine trouve ses racines, donc son inspiration, dans un recueil de poèmes de Yoko. Grapefruit, publié en 1964. Le poème débute par une évocation similaire. Ainsi, Turn a Fish Sandwich Piece commence par imaginer un millier de soleils dans le ciel au même moment. Je vois pas le rapport avec la chanson. Rub a Piece par imaginer votre corps s'étalant rapidement sur toute la planète comme un tissu de faible épaisseur. Je vois toujours pas le rapport avec la chanson Imagine. Et Cloud Piece est cité sur la pochette même de l'album. Imaginez les nuages glissant du ciel, creuser des trous dans votre jardin pour les recueillir. Ouais. Bref, John Lennon prétendra qu'il aurait dû faire co-signer la chanson, alors que je trouve, de manière très très, objective, que si c'est ça l'inspiration, oui, c'est l'inspiration qui a été donnée à John par sa muse Yoko Ono. Mais de là à dire qu'elle a co-composé, je ne suis pas d'accord. Paul McCartney maintenant. En 1973, George Harrison sortait de la forêt également avec ce super hit « Give me love, give me peace on earth ». On est dans la région d'Imagine quelque part. La paix et l'amour, c'est l'emblème des Beatles, c'est l'emblème des Fab Four après la séparation. Thank you. house and a farm, got plenty of charm, beep beep. He's got no cows, but he's got a whole lot of sheep. A brand new wife and a family. And when he comes to town, I wonder if he'll play with me. Laying in bed, watching TV, cooking. With his mama by his side, she's Japanese. They screamed and they cried, now they're free. And when he comes to town, I know he's gonna play with me. Cross-legged guitar picker. His long-legged lady in the garden picking daisies for his soup. A 40-acre house he doesn't see, 'cause he's always in town playing for you with me. Sur RIG 90.7 ou www.rigfm.fr. C'est lui qui, au début, enfin, c'est, ça est paru en 1971, mais c'est au début de l'année, qui dit bah, quand je vais en ville, j'aimerais bien voir mon pote, celui qui. Je crois qu'il cite Lennon d'abord, il cite Harrison ensuite, et il cite McCartney en disant, donc, de toute façon, que quand il va lui enregistrer, eh bien, il aimerait les voir tous les trois. Ça, c'est de l'amitié. Bah oui, mais ils s'aimaient tous, ils ont vécu tellement de galères et de bonheur ensemble. Hein. Bon, on a écouté Lennon, McCartney, Harrison et Starr. Avant d'écouter les Beatles, il vous faut tout savoir sur Lovely Rita. Qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur BeatlesMagazineUK.com. C'est 7 jours sur 7. 24 heures sur 24, c'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur Beatles Magazine, uk.com. 24 heures sur 24, 7 jours, même 8 jours, 8 days a week. Chain, and they ain't the kind that tell you, your lips are sweet. I'd like to kiss them, but I can't break away from all of these chains. My baby's got me locked up in chains. Harrison avait le droit de partager des chansons, mais il n'avait pas encore commencé à composer de lui-même. En tout cas, pas ouvertement des chansons suffisamment bonnes pour rejoindre le répertoire des Beatles. Ce sera juste même pas l'année d'après. Le disque suivant, le 33 tours, sorti aussi en 1963, qui s'appelle With the Beatles. Cependant, l'album de la semaine, c'est bien l'album Imagine de John Lennon en 1971. Voici un nouveau titre, Crippled Inside, dans la saga des Fab Four. Et quelques années plus tard, en 1997, donc on passe de 1971 à 1997, Paul McCartney a invité son fils à apparaître pour la première fois sur un de ses disques. C'est la chanson Heaven on a Sunday sur l'album Flaming Pie. La voici. Like heaven on a Sunday, wishful, not thinking what to do. We've been calling in love, but it's a dream we're going through. And if I only had one love, yours would be the one I choose. If I only had one love, yours would be the one I choose. Restful, like heaven on a Monday. Cooling my fingers in the bay. Song, but it's a long and lonely blues. If I only had one love, yours would be the one I'd choose. If I only had one love, yours would be the one I'd choose. If I only had one love, yours would be the one I'd choose. Joli boulot à la guitare, James. James étant le fils de Paul McCartney. Oh, un avion. Back in the USSR. Les Beatles en 68. Flew in from Miami Beach, B-O-A-C.

Tout d'abord, Back in USSR, une imitation volontaire du style des Beach Boys, avec Paul McCartney à la batterie, puisque Ringo Starr, s'étant légèrement fâché, était allé manger du poulpe sur un bateau en Sardaigne. Et la chanson suivante, c'est Julia, John Lennon, qui parle de sa mère. Il n'en avait jamais parlé aussi ouvertement. Et là, bah, à fond. Et c'est une très très belle chanson douce. On avance avec George Harrison sur son album Rock. Vous savez, pas Rock, mais Rock, avec la voix Rock. En 1974, il avait une angine, je crois, un truc comme ça. Et il a fait l'album quand même. Et voici Far East Man, avec une voix un peu Rock, d'ailleurs. Yeah. dans une saga précédente, je vous avais parlé de Paul McCartney qui avait écrit Dear Friend, qui est sorti sur l'album Wildlife, et qui avait également écrit l'année d'après My Best Friend. Et cette chanson-là, qui était en live, un blues, un super bon blues, il ne l'avait pas sorti pendant des années et des années, jugeant que c'était, enfin c'est moi qui le pense, mais jugeant que c'était le même thème, la même chanson globalement, donc c'était pas la peine de sortir ça, c'est pas la peine de rajouter une couche. Eh bien, je vous avais cité l'exemple de John Lennon et Paul McCartney, qui en 68 avaient sorti McCartney Mother Nature's Son, et je m'étais trompé, je me souviens, en disant, alors que John Lennon a gardé sa chanson pour qui est devenue Jealous Guy, oui, mais je n'arrivais pas à me souvenir du nom de la chanson d'abord. La chanson, c'est Child of Nature. Je répare ça maintenant, avec d'abord la version Child of Nature, ce sont les Escher Demo, qui sont restés très longtemps des pirates, et puis qui sont sortis pour les 50 ans de l'album blanc, et puis sera suivi de l'album de la semaine, Jealous Guy, donc le même air, deux sets de paroles différents, gardés de 1968. D'abord la chanson de 68, puis celle de 1971. Child of Nature et Jealous Guy, par John Lennon. On the road to Rishikesh, I was dreaming more or less, and the dream I had was true. Yes, the dream I had was true. I'm just a child of nature. I don't need much to set me free. I'm just a child of nature. I'm one of nature's children. Sunlight shining in my eyes as I face the desert skies, and my thoughts return to home. Yes, my thoughts return to home. I'm just a child of nature. I don't need much to set me free. I'm just a child of nature. I'm one of nature's children. Underneath the mountain ranges, where the wind that never changes touch the windows of my soul. Touch the windows of my soul. I'm just a child of nature. I don't need much to set me free. I'm just a child of nature. I'm one of nature's children. Vous avez bien compris, hein, cette chanson n'était pas sortie en 1968, elle est restée dans les tiroirs jusqu'en 1971, date à laquelle John Lennon a rechangé les paroles, mais pas la musique. I began Let's go. Back, back. There's nothing for me here, so I will disappear. If she turns up while I'm gone, please let me know. I've had a drink or two and I don't care. There's no fun in what I do when she's not there. She's made me sad. I still love her. If I find her, I'll be glad. I still love her. I don't want to spoil the party, so I'll go. I would hate my disappointment to show. Turns up while I'm gone, please let me know. There. I wonder what went wrong. I waited far too long, but I think I'll take a walk and look for say that might cause you pain. If I catch you talking to that boy again, I'm gonna let you down and leave you flat. Because I told you before, oh, you can't do that. Well, it's the second time I caught you talking to him. Do I have to tell you one more time? I think it's a sin. I think I'll let you down. Let you down, I leave you flat. Gonna let you down and leave you flat. deux Beatles à la suite, moi je prends, j'aime bien. You Can Do That, à l'instant, cet extrait de l'album Hard Day's Night en 1964, et également en 1964, mais un album avant, l'album For Sale, qui ne veut pas dire For Sale, c'était Je ne veux pas gâcher la soirée. Je ne veux pas gâcher la soirée, I don't want to spoil the party. Les Beatles, j'aime beaucoup les harmonies vocales de cette époque-là, et puis 1964, quelle belle année. 11 ans plus tard, en 1971, cet extrait de l'album Extra Texture, Read All About It, de George Harrison, voici Grey Cloudy Lies, sur RIG. C'est la saga des Fab Four, numéro 485C, actuellement, et c'est sur RIG, la radio des Beatles. Vous avez raison, je devrais passer cette chanson plus souvent parce qu'elle est bien aussi et j'aime bien le ding ding ding ding ding au piano et tout ça, c'est très très très sympa. Remontons les années, plus vers notre époque maintenant, nous sommes en 1986, l'album Press to Play. Dans cet album, il y a une chanson, selon moi, qui fait très très très Beatles. C'est une sorte de petite sœur de Hey Jude dans la structure. Pas dans la qualité probablement, puisque on sent que c'est pas le même niveau. Peut-être parce qu'il manque la magie, l'émulation, Paul McCartney et John Lennon. Mais cette chanson, However Absurd, je l'adore. Je trouve qu'elle sonne Beatles. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Et de toute façon, ça n'enlèvera rien. J'adore cette chanson. La voici. dog, breaking eggs in a dish. La montée en puissance de la chanson, là le style en boucle très Beatles, et puis la fin quoi, en orgasme sonore serais-je tenté de dire. Enfin bon, j'adore cette chanson. Revenons à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Imagine de John Lennon en 1971. La chanson que nous allons entendre, c'est How, émergeant entre les bordées révolutionnaires de Power to the People et Sometime in New York City. L'album Imagine représente une pause dans la carrière de porte-parole de la contre-culture de John Lennon. À chaque fois qu'il s'exprimait, il avait le don de paraître totalement convaincu. Pourtant, il était fortement enclin à des intervalles de doute. Et Howe décrit un tel instant. En dehors de son orchestration ouvragée, cette chanson aurait logiquement dû faire partir de l'album précédent, l'album Plastic Ono Band. Et ces thèmes qui ne nous sont pas inconnus, absence d'un sens à la vie, peur de l'avenir et incapacité émotionnelle. La voici, cette chanson sur R.I.G. dans la saga des Fab Four. How can I go forward when I don't know which way I'm facing? How can I go forward when I don't know which way to turn? Don't know how to feel. It is I'm giving. How can I give love when I just don't know how to give? How can we go forward when we don't know which way to turn? Nous sommes arrivés tranquillement à La Cover. La Cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo, George, que ce soit avec les Beatles ou après en carrière solo. Et même si eux-mêmes, de l'époque des Beatles ou pas, reprenaient la chanson de quelqu'un. C'est donc une chanson chantée, comme je l'ai dit, par John, Paul, Ringo ou George. Voilà, ça peut être quelqu'un de connu ou pas, ça peut être vous aussi. Et ben là, c'est vous. C'est un gars que j'adore, qui a vraiment une voix extraordinaire. Je le connais depuis un petit peu de temps maintenant, ça commence. Il s'appelle Jérémy Dupuis. Et je l'ai d'ailleurs invité à me faire sa version de While My Guitar Gently Whips, peut-être avec Marie en soutien de voix, parce qu'elle est vraiment. Elle a une très belle voix elle aussi, et la chanson est superbe. Ils ne me l'ont pas encore fait, mais je pense qu'il l'a peaufiné exprès. Je vous propose donc la cover, cet extrait de leur album qui s'appelle... Attendez, c'est quoi déjà ? Cet extrait de l'album qui s'appelle The Cornell Sessions, sorti en 2016, que vous pouvez acheter sur son site. Vous allez le trouver sur Facebook, Jérémy Dupuis, D-O-D-U, Jérémy Dupuis, D-U-P-O-Y. Bref, la chanson c'est I've Just Seen a Face, la voici, avec Marie Texier. I've just seen a face, I can't forget the time. Up here, Sue, we just met, she's just a girl for me. And I want all the world to see who met. Na na na na na na. Had it been another day, I might have looked the other way. And I have never been aware, but I see these out even for tonight. Na na na na na na. Falling, yes, I am falling. The answer keeps calling. Again. I have never known a lack of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Na na na na na na. Falling, yes I'm falling. The answer keeps calling me back again. I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we met. Na na na na na na. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Oh, falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Jérémy Dupuis et Marie Texier à l'instant dans la saga des Fab Four. Une très très belle version. Merci à vous deux et revenez quand vous voulez, sincèrement. Voici Julian Lennon sur l'album Valotte en 1984 avec ce superbe titre Say You're Wrong sur RIG. Right here on your radio with the Regal. Your face is pale, you look dumb. Your pores are dirty. in your cage. Egoed out on the stage with the unconscious of fools. You got yourself in a bind. You don't know how to unwind. Your senses unsatisfied. Nothing can stand in your way. You're living day after day where the unconsciousness rules. Do do do do do. Cette chanson, c'était Wanderlust par Paul McCartney sur l'album Tug of War en 1982. À l'instant, George Harrison, Unconsciousness Rules sur l'album Somewhere in England, un an avant donc Tug of War en 1981. Pour revenir à l'album de la semaine, nous allons vous proposer une chanson, enfin une démo, que je ne connaissais pas. Non, je ne la connaissais pas avant Imagine the Ultimate Collection, sortie en 2018. Eh bien, il s'agit de la chanson Oh Yoko, qui est sur l'album Imagine. Eh bien, nous allons l'écouter deux fois. D'abord, la version écrite aux Bahamas en 1969, puis la version sortie en 1971. Thank you. bam, bam, boom. Right. Get all the scene, we got in Canada and get your concert. We've got a big bed and a little sun stage. And you do your show from there. Why don't we do the show right here? Geschmähtseidel. You want to warn that up. Voilà, vous ne pourrez pas vous plaindre de ne jamais avoir entendu la voix de Yoko sur une de mes sagas, puisque voilà, c'est fait. On l'a bien entendu bien trop, d'ailleurs, à mon avis. Bref, ce qui est intéressant, c'est que je suppose qu'à l'époque, s'il avait présenté cette chanson-là à Paul McCartney pour la sortir avec les Beatles, peut-être que Paul McCartney lui aurait dit: ouais, dis donc, John, The Ballad of John and Yoko, oh Yoko, c'est bon, quoi, hein, ça va, calme, calme. Hein. Et puis, c'est peut-être à cause de ça, la séparation. Hein, hein. Non, je suis mauvaise foi, ça n'est pas seulement à cause de ça. Revoici la même chanson, mais retravaillée et en studio cette fois-ci, oh Yoko, sur l'album Imagine. Et après, je vais arrêter de dire Yoko. Oh, yeah. The Fabulous Four Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. Chef-d'œuvre signé John Lennon et tous les deux en 1965. Le premier, c'était You've Got to Hide Your Love Away sur l'album Help, et le second, qu'on vient d'entendre à l'instant, Norwegian Wood, sur l'album suivant, l'album Rubber Soul. Parachute, Tommy Boots, sleeping bags for two. paroles ne sont pas encore toutes présentes, mais elle était travaillée, cette chanson, en 1968. Ça fait partie des Escher Demos, qui sont disponibles totalement légalement maintenant si vous achetez l'album de 1968, l'album blanc, mais remasterisé 50 ans après, en 2018, avec des ajouts, notamment ces chansons-là. On écoutera une autre fois Junk, la version de 1970, qui apparaîtra donc sur l'album McCartney. Voici deux Ringo Starr à la suite. You Don't Know Me At All, je sais que vous l'aimez beaucoup et moi aussi, sur l'album Rotogravure en 1976. Et puis Bad Boy sur l'album éponyme, donc Bad Boy en 1978. Ça n'est pas un bon album, c'est un bad album, mais cette chanson est marrante. Trouble. sun won't hit my head, 'cause you'll always find me right there in the shade. I can see all the folks, they're laughing at me, 'cause I'm just a naturally crazy lazy bad boy. Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo. Life is just a bowl of cherry. I'm taking the trouble to turn my night into fois de l'album de la semaine, l'album Imagine et Oh My Love sur RIG. Ce sera Eric et son infernale et géniale émission Johnny de A à Z. Pour l'instant, deux Beatles, l'un à la suite de l'autre, Good Day Sunshine et Strawberry Fields Forever. I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk, the sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie beneath the shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Thierry Gallet, animateur radio, un homme élevé aux Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesmeur. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant, passionné, en un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Going to Strawberry. forever. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. Cette saga des Fab Four, puisqu'on approche largement des deux heures, on a peut-être même légèrement dépassé, eh bien je vous propose, vous savez, il y a quelques semaines, je vous ai souvent dit que sur l'album Stop and Smell the Roses de Ringo Starr, il y a deux chansons que je n'aime pas, parce que je les trouve relativement beaucoup plus faibles que les autres sur l'album. Et la première chanson que je voulais faire entendre, c'était Stop and Take the Time to Smell the Roses, voilà. Eh bien la deuxième, la voici, Drumming is My Madness. Allez, je voulais la faire écouter et après on s'en va. Control. Drumming makes me run. Ouais, c'est fini. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette saga des Fab Four. On se retrouve la semaine prochaine pour la 486e saga des Fab Four sur l'antenne de RG avec un autre album de la semaine et puis d'autres histoires à raconter, probablement. Et je vous souhaite une très bonne semaine et à très très bientôt. Eric, dans quelques instants, à la suite sur RG. À bientôt, salut, ciao.